Mais qui me mènera de l'ombre à la lumière? Des perles rares là-bas, moi je suis en enfer. Mais qui m'emmènera là-haut sur ces perles et d'une allure légère? Ce monde, l'enfer, c'est ce monde, le mal. M'emmènera du monde à la lumière, mes ailes sont usées, mes ailes sont brûlées. Mais qui me mènera de l'ombre à la lumière? Des perles rares là-bas, moi je suis en enfer. Mais qui m'emmènera là-haut sur ces perles et d'une allure légère? C'est ce monde, l'enfer, c'est ce monde, le mal. Mais qui m'emmènera du monde à la lumière? Mes ailes sont usées, mes ailes sont brûlées. Mais qui m'emmènera de la honte à l'amour propre, de l'être fier à la gloire, de mon mystère à la mort? C'est ce monde, notre père. Thank you.